Mon père le dictateur, partie 2. Прослушайте текст и скажите, как будет воспитывать своих детей рассказчик. Alors tu me dis que c'est normal, qu'il y a beaucoup de parents comme ça. Toi le dimanche, qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir un match de football avec ton père ou tu vas jouer au basketball avec tes amis? Moi, non. Tous les dimanches, sans exception, papa nous emmène, mon frère et moi, voir un monument ou un musée. Tu ne peux pas imaginer le nombre de monuments et de musées qu'il y a à Paris. Tu connais l'Arc de Triomphe, Notre-Dame et le Louvre, mais ce n'est rien. Moi, je connais le musée Carnavalet de A à Z. Toutes les figures de cire du musée Grévin et tous les canons du musée de l'armée. Je connais toutes les statues de Napoléon et de Jeanne d'Arc. Papa est sans pitié. Ça lui est égal s'il pleut ou s'il fait froid. Le dimanche, nous sortons dans Paris. Et toute la journée, nous marchons. Regardez à gauche, c'est dans ce restaurant-là que Napoléon a dîné avant son départ pour... Regardez à droite, c'est sur cette statue que la perruche de Marie-Antoinette. Et c'est comme ça jusqu'au soir. Quand nous rentrons, nous sommes très fatigués. Papa commence à nous poser des questions. Combien de canons français est-ce que les Anglais ont pris à la bataille de Waterloo? Si nous avons bien répondu, il nous donne un petit cadeau, un disque, de musique classique bien sûr, ou un livre sur l'art ancien. Moi, je ne serai jamais comme ça avec mes enfants. Je ne leur poserai jamais de questions sur leurs devoirs. Je ne les amènerai jamais voir des monuments. Moi, je serai un père formidable.